Bonjour et bienvenue dans la rediffusion audio de l'émission Autonomie, l'actu de la recherche, réalisée et produite par l'équipe d'animation du programme prioritaire de recherche Autonomie. Le podcast que vous vous apprêtez à écouter est l'enregistrement d'un direct qui a eu lieu sur YouTube. Vous trouverez dans la description de cet épisode toutes les informations sur ce format, ainsi que des ressources complémentaires. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour en apprendre plus sur nos activités et découvrir encore davantage la recherche sur l'autonomie. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonsoir et à toutes et tous, désolé pour ce petit retard. Nous avons un problème technique ce soir avec notre logiciel habituel, ce qui fait que vous allez avoir accès à une version un peu appauvrie de ce qu'on propose d'habitude par rapport au visuel. On espère que ça sera quand même une émission satisfaisante. Nos intervenantes sont toutes présentes. On est désolé pour l'aspect visuel qui est un petit peu mis en retrait ce soir. On espère que ça se passera bien. Je reprends depuis le début. Donc, bienvenue dans l'émission Autonomie, l'actu de la recherche, produite et réalisée par l'équipe d'animation scientifique du programme prioritaire de recherche Autonomie, qui est pilotée par le CNRS. Donc, je suis Laure Saint-Coty, responsable de l'animation scientifique. Je serai votre hôte ce soir, accompagnée de notre régisseur Marcel, qui fait tout ce qu'il peut et qui va s'assurer que tout se passe bien malgré le chaos de la journée. Du côté de la technique, côté interprétariat LSF, nous avons avec nous les équipes de SILS et comme pour toutes nos émissions, le sous-titrage va être retravaillé en post-production pour permettre une meilleure accessibilité du contenu. Et là, évidemment, ce sera un peu plus nécessaire que d'habitude encore. Les habillages ne sont pas visibles, malheureusement. Pour le menu du jour, donc la première partie de l'émission va être consacrée à la présentation du numéro 41 de la revue Nouvelles questions féministes, qui porte le titre « Vieilles invisibles ». Cette fois-ci, l'émission est un peu particulière parce que chaque numéro d'une revue scientifique comprend divers articles et par conséquent divers auteurs et autrices. Et pour présenter ce numéro, nous aurons avec nous ce soir l'une de ses coordinatrices, la sociologue et anthropologue Clotilde Palazzo-Crétol, ainsi que la chercheuse en sociologie Armelle Veil, qui est également membre de la revue et de son groupe de responsables de rédaction. Donc toutes deux vont présenter la revue, le travail de construction d'un numéro et bien sûr quelques sujets et thématiques qui y ont été abordés. Comme d'habitude, on aura une deuxième partie d'émission qui va être sous la forme d'une table ronde et qui sera cette fois-ci consacrée plus particulièrement à la question de la représentation des femmes vieilles et du vieillissement des femmes, plus particulièrement encore dans l'art visuel. Et nous aurons avec nous la réalisatrice Blandine Delcroix et la photographe Leïla Grindorge. Donc sans plus attendre encore, on va commencer notre première partie d'émission. Je vais souhaiter la bienvenue et bonjour à Clotilde et Armelle et les remercier d'être avec nous pour cette émission qui est dédiée au numéro thématique Vieilles Invisibles. Je vais commencer par vous présenter un peu toutes les deux et puis je vous laisserai compléter si vous souhaitez préciser quelque chose. Donc Clotilde, tu as fait tes études à l'Université de Lausanne en Suisse en socio-anthropologie. Tu enseignes à présent à la Haute École et École supérieure en travail social située à Sierre en Suisse. Tu as contribué à différents travaux de recherche par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, donc on appelle le FNS, sur des sujets en lien avec la vieillesse et le vieillissement, notamment sur ce que signifie vieillir en couple quand on est âgé, être atteint ou atteinte d'un cancer lorsqu'on a plus de 70 ans, ou encore sur la façon dont on habite des villages de montagne lorsqu'on a plus de 80 ans. Et ça va nous intéresser ce soir, plus particulièrement. Tu es depuis très longtemps une militante féministe, tu m'as précisé depuis tes 14 ans, âge auquel tu as commencé à militer en faveur de l'avortement. Et cet engagement militant, ta passion pour la recherche conceptuelle sur les questions de genre, tout ça, ça t'a mené à t'impliquer dans le comité de rédaction de la fameuse revue Nouvelles Questions Féministes, dont tu fais partie depuis 2016. Et tu as notamment coordonné trois numéros, dont celui qui va nous occuper ce soir. Et puis Armelle, toi, tu es docteur en sociologie, tu travailles actuellement à la Haute École et École supérieure en travail social, Valais Wallis, aussi en Suisse, donc le même établissement. Et tu t'intéresses aux ressorts de différenciation sexuée dans les activités et les trajectoires des individus. Et dans ta thèse, tu as étudié les expériences genrées de la justice des mineurs en Suisse romande. Tu es également membre de la revue Nouvelles Questions Féministes, et ce depuis plus de 10 ans, et tu fais partie de son groupe de responsables de rédaction depuis 2023. Donc, je vais présenter un peu ce numéro, mais avant qu'on y vienne, est-ce que Clotilde et Armel, vous voulez ajouter quelque chose sur vos parcours respectifs? Non, je crois que tu as très bien présenté. Alors, je voulais juste dire que j'étais une jeune grand-mère et que je suis très heureuse d'être grand-mère. Félicitations. Armel, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je crois que c'est tout bon aussi. Je ne suis pas encore grand-mère. Mais merci beaucoup. Très bien, ok. Alors, on va passer à la présentation du numéro. Donc, la revue Nouvelles Questions Féministes, c'est une revue importante, donc dans l'histoire du féminisme et des études féministes. Elle a été fondée en 1981 par Simone de Beauvoir, Christine Delphi et Claude Hennequin, et aussi Emmanuelle de Lesseps, qui sont toutes les quatre des figures assez connues du féminisme français. Et donc ce numéro thématique, Vieilles Invisibles, lui, il a été publié en 2022, et comme son titre le suggère, il a été consacré au vieillissement des femmes. Donc c'est un sujet qui est assez peu étudié, même si c'est une question qui occupe les études féministes depuis très longtemps. On pense notamment à l'ouvrage La vieillesse de Simone de Beauvoir, qui a été publié en 1970. Et donc ce fameux numéro sur Vieilles Invisibles, il est l'occasion de faire le point sur la place des femmes âgées dans la société. Et il propose pour ce faire diverses thématiques, diverses approches. Donc ça parle de l'âgisme, c'est-à-dire les préjugés et les discriminations qui sont liés à l'âge. Il parle des injonctions au bien vieillir, de la sexualité, de la maladie, de l'aide à domicile, de l'habitat, de la recherche participative, des inégalités d'accès aux pensions de retraite et des représentations féministes du vieillissement corporel. Donc c'est très vaste, c'est un très très beau numéro. Et donc, je vais poser quelques questions à Clotilde Armel pour qu'elle puisse bien présenter à la fois la revue, comment on crée un numéro spécial et comment ce numéro spécial est né, et puis aussi ce qu'il y a dedans que vous pourrez ensuite aller consulter par vous-même directement en ligne, puisqu'il est tout à fait accessible à la consultation en libre accès. Donc, pour commencer, j'aimerais que Armel et Clotilde, vous nous présentiez un peu cette revue. Son histoire, bien sûr, sa ligne éditoriale actuelle, et il y a un terme central, ou plutôt un concept, celui de genre, qui est devenu très important dans les sciences et plus encore dans les travaux qui adoptent une perspective féministe, comme c'est le cas pour la revue Nouvelles Questions Féministes. Est-ce que vous pouvez aussi éventuellement parler de ce concept, de son et de ses usages en sciences humaines? Plus particulièrement dans les études féministes. Je vous laisse la parole. Merci. Alors c'est une question assez vaste, le genre, le concept, l'histoire, etc. Je vais essayer de d'être la plus brève possible. Donc Nouvelles Questions Féministes, donc, comme tu l'as dit, Laure, une revue qui est née en 1981 à la suite de Questions Féministes, qui a été donc initiée par des militantes matérialistes qui étaient par ailleurs chercheuses et qui voulaient proposer un espace pour réfléchir théoriquement et politiquement au patriarcat. Donc, il y a quelques mots sur lesquels je vais m'arrêter. Le genre, le patriarcat et le féminisme matérialiste. Parce que c'est vraiment ce qui distingue cette revue d'autres revues sur le genre dans l'espace francophone. Le genre étant aujourd'hui en effet un champ de recherche assez vaste. Donc, très brièvement et partiellement dit, on adopte le terme de genre après les études sur les femmes pour signifier qu'on s'intéresse à des individus, qu'on ne s'intéresse pas à des individus, pardon. Qui seraient dans leur essence des femmes ou dans leur essence des hommes, mais au système qui crée la distinction entre femmes, hommes, personnes non binaires, etc. On s'intéresse donc au genre, au singulier, qui désigne, si je reprends une définition de Lorena Carini, que je trouve très claire, donc le genre qui est une catégorie d'analyse qui regroupe des recherches de toutes disciplines, donc historiques, économiques, aujourd'hui géographiques et en sociologie aussi, anthropologie, sur les conséquences sociales de l'appartenance à l'un ou l'autre sexe. On désigne donc pas à nouveau des individus, mais un système qui est appelé ensuite de plusieurs manières selon les orientations politiques et scientifiques. Il y a le système de genre, l'ordre de genre, mais aussi le patriarcat. Le patriarcat qui, lui, a un concept qui, dès sa formulation, insuffle une dimension politique. Le patriarcat est le système de subordination des femmes aux hommes dans les sociétés contemporaines. Donc on ne dit pas seulement que c'est un système qui structure le monde et différencie les hommes et les femmes, on dit également que c'est injustifié, que c'est fondé sur une idéologie plutôt que sur la nature ou l'essence des individus. Donc il y a vraiment un postulat anti-essentialiste et que cette idéologie précède donc la nature et la biologie, que c'est pas la biologie qui fixe le social, mais plutôt l'inverse. Et on rajoute finalement qu'un groupe bénéficie de ce système au détriment de l'autre. Que ce soit au travail, dans le fonctionnement politique, dans le couple, la sexualité, les loisirs ou dans les rapports d'âge, comme en parlera Clotilde. On arrive donc ensuite à la conception matérialiste, qui est la ligne de la revue NQF, qui est une démarche qui analyse les conditions matérielles d'existence. Donc comment est-ce que cette subordination, elle est produite, reproduite notamment par le travail gratuit des femmes et dans d'autres espaces. Et puis, finalement, ce qui nous intéresse dans cette revue, c'est comment se libérer de cette subordination. Merci pour cette réponse à la fois très synthétique et très éclairante, très complète. Et je voudrais revenir du coup sur la revue. Tu as dit qu'initialement, la revue a été créée par des militantes et des chercheuses. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Alors oui, et d'ailleurs les thématiques des numéros montrent bien notre attachement à produire des connaissances sur ce qui touche la vie des femmes et de toute personne oppressée par le système patriarcal ou d'autres systèmes d'oppression d'ailleurs. On a quand même à cœur de aussi analyser le croisement des systèmes de domination et d'oppression. Alors Clotilde parlera du numéro sur les vieilles, mais on a publié des numéros ces dernières années sur l'allaitement, les liens entre domination masculine et crise climatique. Le pouvoir, le sport. Et puis nos deux derniers numéros traitent des violences patriarcales, qui sont pour le coup une thématique assez forte ces temps-ci. Un état de lieu et les mesures qui sont mises en place pour y mettre fin. Le prochain numéro parlera d'antiféminisme. Enfin, bref, on a toujours à cœur de traiter des thématiques de manière scientifique, mais aussi vraiment politique, qui ont un impact sur le quotidien des individus. Et puis on a d'autres rubriques aussi dans la revue, qui vise à donner une belle place au militantisme, notamment la rubrique Parcours, qui donne la parole à des personnalités remarquables, que ce soit dans le domaine scientifique ou dans le domaine proprement militant. On a des comptes rendus qui présentent des résumés critiques des travaux qui sortent. Et puis on a aussi la rubrique Collectif, qui donne la parole à des collectifs féministes dans l'espace francophone, avec des objectifs vraiment très variés, des modes d'action qui sont aussi très variés. Et puis pour finir peut-être sur la pertinence actuelle de la revue entre militantisme et science, je discutais avec mes collègues du groupe de rédaction sur quelle définition du genre je pourrais donner aujourd'hui. Et l'une d'elles a dit, ah bah, le genre, c'est ce qu'on peut aujourd'hui plus nommer aux États-Unis. Alors c'est un peu sur le ton de la boutade, mais c'est tout à fait vrai. On observe un réel backlash, donc un retour de bâton par rapport à des avancées sociales pour l'égalité. Et je crois qu'on est toutes convaincues que c'est crucial de continuer à analyser, identifier et démontrer l'existence des inégalités, que c'est crucial aussi de faire vivre des espaces comme une revue qui permettent de mettre en lien et de mettre en lumière des manières d'être libres collectivement et de réfléchir ensemble à notre liberté. Tu voulais éventuellement parler un peu du fonctionnement de la revue de manière générale, peut-être? Oui, alors je mettais l'accent sur la dimension collective et c'est aussi comme ça qu'on essaie de fonctionner à NQF. Donc on est 25 dans le comité de rédaction trois à être dans le groupe de responsables de rédaction. On essaye d'être le plus interdisciplinaire possible, intergénérationnel, c'est aussi entre la Suisse et la France, donc international. Et puis on a ce fonctionnement collectif tout au long de la fabrication des numéros qui est assez long, qui prend 2 ans environ. Donc on discute du prochain thème qu'on va aborder en fonction des envies, des expertises de chacune, et on essaye aussi de mettre ça en lien avec l'actualité. Et puis ensuite, un groupe de coordination se crée, notamment Clotilde était dans celui sur les vieilles invisibles, qui va être en charge du grand angle, donc du dossier. Et puis on discute ensuite à chaque étape collectivement, à 25, de comment se déroule ce numéro. Donc on discute d'un appel à contribution qui donc vise à recevoir des propositions. On discute ensuite des propositions qu'on a reçues de la part des chercheuses et chercheurs. Et puis on fait des points ensuite en essayant de s'épauler et de faire profiter des savoirs de chacune. Puis on a une revue scientifique, donc tous les articles sont évalués en double aveugle. Donc il y a toujours deux expertises qu'on demande et qui nous reviennent, ce qui prend du temps aussi et qui est du travail bénévole de plus de la part de chercheuses généralement. On a ensuite des sous-groupes pour chaque rubrique. On essaie de choisir des couvertures aussi. On en parlera peut-être avec. Ensuite, avec les artistes. Et on essaie d'accompagner les autrices et les auteurs dans l'écriture, qui est toujours quelque chose d'assez intéressant pour pouvoir faire circuler les savoirs. Et puis, on voit qu'on grandit aussi, et nous, et le propos scientifique de nos auteurs et autrices. Et puis, pour peut-être les dessous plus précis du numéro, je passe la main à Clotilde, ou alors si tu avais une question plus précise. On va rentrer effectivement dans le vif du sujet et merci du coup d'avoir présenté cette revue. Et donc pour les spectateurs et spectatrices, n'hésitez pas à la découvrir dans son ensemble de ce numéro. Il y a vraiment une très très belle collection. Donc oui, avant qu'on entre dans la présentation un peu plus précise des contributions à ce numéro, on voudrait qu'on fasse un petit détour dans les cuisines de la revue. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Et pour pouvoir donner ce fonctionnement, comment est-ce que la thématique du vieillissement et des vieilles a-t-elle été choisie? Est-ce que c'est un contexte scientifique qui a encouragé ce choix, plutôt un contexte social? Et puis comment ça se passe ensuite pour recueillir des contributions, choisir, écrire un éditorial? Ben, en fait, c'est un contexte à la fois scientifique et social. Nous étions deux chercheuses au sein du comité de la rédaction à travailler sur des études sur la vieillesse. Ma collègue Farinaz Fassa, qui travaillait sur le bénévolat des personnes âgées, et moi-même, qui terminais une étude sur les couples en âgés en lien avec le travail social. Et je débutais aussi une recherche payée par le Fonds national de la recherche scientifique sur les 80 ans et plus en montagne. Vanina Modzikonachi, notre collègue, elle réfléchissait en philosophe sur les théories et toutes les théories qui entourent la vieillesse. Et nous avons sollicité Marion Repetti, qui est sociologue et qui est spécialiste des questions de pauvreté et de vieillesse. Et dans le fond, chacune était concernée par les enjeux scientifiques et sociaux qui entourent la vieillesse et les questions que ça pose, évidemment, à une revue comme Nouvelles Questions Féministes. Ce groupe était intergénérationnel parce qu'il y avait Vanina qui était très jeune, Marion qui est très jeune aussi, qui sont toujours très jeunes d'ailleurs, et Farinaz et moi qui étions un peu les anciennes du groupe. Mais ça a été d'une grande richesse parce que c'est pas forcément évident de travailler en interdisciplinarité et ça pose des défis évidemment par rapport à l'écriture de l'article, des articles, par rapport à la rédaction de l'appel, la création de l'éditorial. Et donc on a vraiment dû collaborer avec bonheur avec mes collègues qui sont des experts de ces questions. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que comme on était deux chercheuses vraiment relativement un peu ferrées sur le domaine de la vieillesse, on avait au départ beaucoup, beaucoup trop de questions. On s'intéressait, on voulait des textes importants pour le féminisme et puis des questions importantes aussi pour l'avenir de la vieillesse, si on peut le dire vite. Mais en fait, on avait des questions vraiment qui allaient dans tous les sens, sur la question du care, sur la question des sexualités, de l'orientation sexuelle, sur les formes de révolte et d'émancipation, sur comment la vieillesse permet de réagir aux diktats de la beauté, aux injonctions, du système de genre. Enfin voilà, plein de questions. On a dû vraiment se restreindre pour pouvoir essayer d'analyser comment le quotidien des vieilles femmes était présenté dans les recherches, dans les études, et on a resserré nos questions autour grâce aussi à l'aide justement du comité de rédaction, qui sont toujours là pour dire attention, là vous allez trop loin, vous avez trop de questions, on comprend rien. Enfin, ce qui est une démarche absolument passionnante, mais assez chronophage évidemment. Donc on s'est limité à quelques questions qui tournent autour de est-ce que les vieilles sont des femmes comme les autres? Est-ce que c'est des transfuges de la classe des femmes, pour reprendre une question de Beauvoir, je crois. Et comment les rapports sociaux d'âge sont-ils producteurs de liberté ou de contraintes? Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'on a une diversité des productions dans nos articles. On a des articles qui viennent des USA, des articles qui viennent de Suisse, de Belgique, de France. On a aussi des articles de sociologues, des articles à plusieurs voix. On a des doctorantes, des praticiennes de la pratique du travail social ou des soins infirmiers, des scientifiques, des doctorantes, des militantes. Mais évidemment, au vu de nos ambitions, hein, il est évident qu'on n'a pas réussi à répondre à toutes les questions. Mais par contre, je pense que ça ouvre des pistes très intéressantes et ça ouvre des pistes vers de nouvelles études. Je pense qu'on y reviendra dans la suite quand j'aurai présenté un peu le contenu du numéro. C'est vrai qu'on voit bien dans la composition et dans l'ensemble des personnes qui ont été mobilisées pour la rédaction de ces articles que c'est vraiment très très très très mixte en termes de façon de contribuer. Et je crois que Tranche de sexe, c'est le titre du livre de Emmanuel Bobassi, non? Mais C'est oui, ça, mais c'était ça la référence. c'était pas tout à fait ça la référence. Ça fait référence à une référence encore plus ancienne, transfuge de la classe des femmes. Ah Mais oui, c'est c'est vrai, juste, c'est effectivement. bien cette idée de transfuge, qu'on passe d'une classe à l'autre et qu'on garde toujours quelque chose de son ancienne classe sociale comme catégorie. Tout à fait. Très bien. Alors oui, on va rentrer un peu dans les contributions maintenant. On en sait un peu plus sur le genre, on en sait un peu plus sur l'idée d'approche féministe sur le fonctionnement d'une revue scientifique. Et je voudrais revenir sur un enjeu transversal à ce numéro, celui de la visibilité et de l'invisibilité. Et en parcourant les contributions, on voit bien qu'il y a un aspect qui les traverse toutes, c'est le fait que il y a des caricatures stigmatisantes des femmes âgées qui occupent le peu de place qui est accordée aux femmes âgées dans la société, et que sont passées sous silence la réalité de leurs expériences de vie. Par exemple, on voit que l'injonction au bien vieillir, qui est déjà critiquable en soi, elle vient reproduire des stéréotypes sexistes qui sont stigmatisants particulièrement pour les femmes. Que leur sexualité pendant la maladie, lorsqu'elles sont âgées, est complètement niée, c'est un non-sujet, un impossible. Et en nous présentant ces travaux, est-ce que tu peux nous parler de la façon dont le sexisme est reconduit et peut-être même amplifié par l'âgisme et par la façon dont la structuration genrée des femmes vient empêcher de saisir la réalité des vies des femmes âgées? Peut-être qu'il faut commencer par dire que le numéro dans son ensemble, le dossier sur les vieilles évidemment, mais le numéro dans son ensemble est en quelque sorte le reflet de la société où survisibilité et invisibilité sont un couple indissociable quand on parle de vieillesse et en particulier de la vieillesse des femmes. Je vous donne juste quelques exemples pour identifier de quoi je parle. Là, par exemple, on voit dans nos pays une augmentation certaine des nombres de femmes centenaires. On assiste à une forme d'homogénéisation de la catégorie vieille dans les études. La vieillesse ou les seniors sont vus comme une catégorie homogène, une forme d'homogénéisation de la vieillesse. Or, on n'est pas tout à fait les mêmes vieilles qu'on est 62 ans ou 87 ans. De plus, eh ben, dans les représentations sociales, le grand âge est largement invisibilisé ou alors il est vu comme essentiellement dépendant, malade. Avec des maladies dégénératives comme Alzheimer ou bien des troubles qui empêchent le déplacement, alors qu'en fait, la réalité des vieilles personnes en Europe, elle est tout à fait différente. La grande majorité des personnes âgées vieillissent à domicile et le font assez bien. Donc, dans ce sens-là, ben, c'est le numéro en entier qui est un peu un reflet de la société. Ce qu'on peut dire dans tous les cas, c'est que les femmes deviennent invisibles, et ça, c'est un reflet du patriarcat dont a parlé avant Armel, et un révélateur de la manière dont la société patriarcale considère la vieillesse des femmes, en faisant jouer les oppositions entre une population productive, jeune et séductrice, et une frange de la population vieille, non productrice et repoussoire. Eh ben, c'est ce qui apparaît aussi en filigrane dans les articles du numéro, dans les articles du dossier, mais aussi dans d'autres, comme je le dirai tout à l'heure. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une forme de grande invisibilité des femmes, et notamment tout ce qui concerne les violences des femmes très âgées. Elles sont quasiment passées sous silence. On commence à en parler maintenant, mais c'est tout à fait récent. Et or, il y a une grande partie des femmes très âgées qui meurent encore actuellement sous les coups de leurs conjoints, que ce soit en France, en Belgique ou en Italie ou en Espagne. Et là, typiquement, cette question des violences envers les femmes âgées, eh ben, c'est pas dans les articles dans les articles sur le dossier. Il n'y a pas d'article sur les vieilles femmes, bien qu'on avait imaginé qu'on aurait eu peut-être quelque chose là-dessus, mais on n'a pas d'article là-dessus. Tu veux peut-être parler un petit peu des représentations qui sont caricaturales ou stigmatisantes? Absolument. Là, je vais revenir un peu dans ce qui est dans le numéro, en espérant que vous le lisiez, parce que c'est vraiment un très bon numéro. Et je commencerai peut-être par ce que nous avons appelé dans l'éditorial le syndrome de Morissette. Syndrome de Morissette, qu'est-ce que c'est? C'est en référence au syndrome de la Schtroumpfette, que peut-être les plus anciens et anciennes connaissent. C'est cette créature blonde qui était la seule femme au pays des Schtroumpfs, et vraiment qui était représentée comme un personnage stéréotypiquement féminin. Pardon. Et ce syndrome de Morissette, c'est emblématique d'une représentation caricaturale et stigmatisante des vieilles femmes. Par exemple, qui est cette Morissette? Morissette est la première femme à avoir été vaccinée contre le Covid. Elle est montrée à la télévision française. Elle ne dit rien. Elle n'est présentée que par son prénom, comme les enfants et les servantes. Il n'y a aucun espace pour son point de vue. Morissette incarne la position souvent imposée à celles qui sont sans pouvoir et sans voix. Et c'est vraiment ce qu'on a vu dans cet épisode dramatique du Covid. Ce qu'on peut dire, c'est que les médias insistent largement sur une espèce de manière de bien vieillir, et ils insistent aussi très largement sur une manière de présenter la vieillesse comme absolument négative et débilitée. Mais pourtant, on voit bien, et ça c'est l'article de Calasanti-Enil qui montre que la lutte contre les signes de l'âge et pour un vieillissement réussi commence très tôt, et qu'ils impactent tout à fait différemment les hommes et les femmes. En Amérique du Nord, d'après Calasanti et King, le vieillissement réussi est vraiment une injonction sociétale, mais c'est aussi une responsabilité individuelle. Et c'est là que c'est très important, c'est que les gens se sentent responsables de bien vieillir. Et ça suit la fracture du genre, parce que pour les femmes, il s'agit de masquer les affres de l'âge, hein, pour le dire comme Racine. Et pour les hommes, il s'agit de lutter contre la perte d'un pouvoir d'action et notamment de montrer qu'on résiste à la fatigue, qu'on est capable toujours d'avoir de la force physique. Et donc, cet article est très représentatif des visions stigmatisantes, puisque les vieux et les vieilles interviewés par Calasanti et King sont âgés d'environ 45 ans. Donc, ça veut dire que ça commence très, très tôt. L'image que la vieillesse est débilitaire. On voit bien aussi à travers les contributions que la mutation de ces représentations, elle reste malgré tout, malgré les changements complètement ancrés dans des représentations sexistes. Alors, par rapport au sexisme, je pense que la question de la sexualité, elle est vraiment tout à fait représentative de ce sexisme. La sexualité des femmes âgées, elle est un sujet relativement tabou. On l'a vu dans différentes enquêtes, on le voit dans nos enquêtes en Suisse. Mais c'est vraiment un sujet tabou, mais c'est tabou aussi pour les soignantes. Dans l'enquête de mes collègues Marion Brezza, Kevin Toffel et Angélique Schweitzer, les infirmières qui s'occupent des personnes qui ont le cancer, et donc qui sont normalement au cœur des soins et au cœur de l'intime, elles sont tellement intégrées que les vieux et les vieilles particulièrement n'ont pas de sexualité, qu'elles ne se rappellent même plus quand elles parlaient de sexualité. Et donc, il y a vraiment une façon différente de traiter les hommes et les femmes, et surtout de traiter la sexualité des jeunes femmes et la sexualité des vieilles femmes de façon tout à fait différente et tout à fait disqualifiante pour la sexualité des vieilles femmes. Et ce qui relève du sexisme, c'est qu'elles ont une vision complètement génito-centrée sur de la sexualité des vieilles femmes. Ils imaginent que cette sexualité n'existe pas. Et pour les hommes, effectivement, elles ont le souci, ces infirmières, parce que c'est majoritairement des femmes qui sont interviewées et qui sont au cœur des soins, justement, de proximité et d'intimité, eh ben, elles ont une image des hommes à qui il faut rassurer sur leur fonction érectile. Et c'est à ce sujet-là qu'elles parlent, effectivement, avec les hommes, des éléments liés à la sexualité. Mais elles pensent que les femmes, elles sont trop vieilles pour avoir de tels soucis. Et puis elles pensent aussi que comme le cancer a quand même un côté de maladie grave, eh bien, les femmes n'ont plus envie ou n'ont plus besoin de se soucier de la sexualité, pour le dire vite. Mais en tout cas, elles ne vont pas être la porte d'entrée qu'elles auraient pu être pour parler de ces questions qui vont évidemment toucher les gens qui ont un cancer colorectal ou un cancer du sein. Enfin, voilà, donc il y a vraiment une forme de tabou qui persiste par rapport à la sexualité des personnes âgées. Changer complètement de sujet, mais pas tout à fait. Ce qu'on voit aussi dans les contributions à ce numéro, c'est que les politiques sociales et sanitaires qui sont construites pour les personnes âgées, elles sont en elles-mêmes porteuses d'inégalités de genre. Elles reproduisent ces inégalités et elles reproduisent aussi les effets du sexisme par conséquent. Et ça se constate sur la question des retraites, donc la question des droits sociaux, mais aussi dans celle des soins, puisque on voit que les femmes ont été des pourvoyeuses de soins toute leur vie pour la plupart d'entre elles, et qu'elles ne vivent pas aussi bien le moment où elles deviennent elles-mêmes des bénéficiaires de soins. Est-ce que tu peux nous donner des détails sur ces mécanismes qui ont tendance à accentuer la vulnérabilité des femmes âgées? Alors là, je commencerai par l'article d'Annie Canquisi, qui est plutôt dans le champ libre et qui n'est pas tellement dans qui est pas dans le dossier, mais qui complète parfaitement bien le dossier sur la vieillesse. Parce que l'article met vraiment le doigt sur les dessous et les impensés des soins et du travail de care qui s'impose aux femmes, quel que soit leur âge d'ailleurs, leur condition physique et leur envie de s'y investir. Parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui n'auraient pas forcément envie de s'investir dans ce travail de soins. Mais on voit que ça leur est imposé. Et Anquisi souligne le dégoût que peuvent susciter. Et le mot est fort, mais c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est ce qui permet de prendre de la distance et de mettre en perspective son expérience de sociologue et de soignante. Et donc, elle met en évidence le dégoût que peut susciter des corps vieillis et malades. La solitude des soignants, elle le montre aussi très bien. Et la difficulté pour les soignantes de tenir ensemble le souci de l'autre et la dignité de la personne qui est soignée. La difficulté de ça, c'est aussi la non-reconnaissance du travail de care, qui est pourtant indispensable dans les soins. Mais elle montre très bien que les soignantes se retrouvent coincées entre une vision de ce qu'elles aimeraient faire de leur métier de soins et de la reconnaissance qu'elles reçoivent de la société. Et ça participe vraiment à ce dénigrement des soignantes, dénigrement social en termes de salaire, des choses comme ça. Et puis, c'est certainement être confronté à des corps vieillis et décharnés et malades, c'est certainement une épreuve de professionnalité à laquelle sont confrontées toutes les femmes, même si elles ne sont pas soignantes de formation ou ni dans l'âme, quoi. Je pense que là, il y a vraiment un enjeu, cette question du dégoût et qui représente quelque part le sale boulot, hein, pour reprendre. Terme classique en sociologie, je pense que c'est très important en termes d'assignation. Ce qui concerne plutôt la question des droits sociaux, qui est quelque chose de moins interpersonnel, on voit aussi qu'il y a des mécanismes assez pernicieux qu'il faut effectivement aller étudier pour les comprendre et les faire ressortir pour les changer. L'article de Paul Obeika est très évocateur, hein, le titre. Le patriarcat d'outre-tombe, veuvage, réversion et recomposition des rapports sociaux, s'intéresse à une association qui est censée aider les vieilles femmes à récupérer leur pension de réversion, c'est-à-dire quand leur mari est mort et qu'elles n'ont pas droit à une rente ordinaire, elles ont une pension d'aversion parce que leur mari a payé pour elles. Le mécanisme est assez technique, mais le dispositif est technique, mais le mécanisme est très bien déconstruit par Paolo Beïca, qui montre que l'État devient complice de formes de discrimination, qui montre aussi que les personnes qui sont censées aider les personnes âgées à récupérer leur argent, eh ben, elles ne sont pas tout à fait à même de le faire, soit parce que elles donnent pas la formation, soit parce qu'elles laissent durer trop longtemps les procédures, soit parce que elles contrôlent les bénéficiaires 3, 4 fois et ils donnent des exemples qui sont vraiment frappants. Là, c'est les pensions de réversion, ça concerne particulièrement la France, les États-Unis, peut-être la Belgique. En Suisse, le système n'est pas pareil. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que les vieilles femmes sont aussi gravement lésées au moment de leur retraite par l'organisation du travail et par la division sexuelle travail. Et c'est la même chose. Donc, il y a une forme d'universalité de la précarité des vieilles qui est montrée dans cet article. Il donne un exemple des embûches qui sont posées pour ces vieilles femmes. Par exemple, Madame Chebel, elle doit faire le trajet 2 fois jusqu'à l'ambassade d'Alger alors qu'elle habite dans une ville de campagne. Ça représente pour elle plus de 500 km. Elle en entend pour aller chercher des papiers pour justifier qu'elle a droit de cette pension de réversion. Elle doit fournir, Madame Chebel, 3 certificats de vie pour enfin toucher sa pension de réversion 5 ans après sa demande. Donc on voit bien qu'il y a une forme de care ou d'absence de care qui impacte l'action des professionnels qui sont censés aider. Je le rappelle, ils sont là pour ça. C'est une association qui se targue de défendre les droits des retraités. Donc, on voit aussi cette question de l'accès aux droits sociaux qui est compliquée. C'est dans parce que le CUR et les rapports de genre impactent aussi les professionnels du soin, comme dans l'article de Brezza dont j'ai parlé tout à l'heure. Et qui montre que les professionnels du soin ne sont pas outillés pour prendre en compte la sexualité des personnes dont elles s'occupent. Et ce qui pose vraiment problème, sachant que par ailleurs, les cancers liés à la sexualité sont de plus en plus précoces et de plus en plus fréquents. On peut dire aussi entre que le care et l'inégalité sociale se jouent dans l'aide à domicile. Hein, l'article de Nathalie Burnet et Amélie Pierre montre très bien comment le recours à des aides à domicile, ça veut dire des personnes qui sont dépendantes, qui ont besoin d'aide dans leur domicile, notamment dans les activités de la vie quotidienne, par exemple les soins, la toilette, des choses comme ça. Eh ben, accepter quelqu'un dans son foyer, c'est difficile pour tout le monde, mais c'est encore plus difficile pour les femmes. C'est plus difficile pour les femmes, particulièrement de certaines catégories, c'est-à-dire celles qui ont le moins de capitaux culturels et sociaux et qui voient l'intrusion comme une personne, l'intrusion d'une personne extérieure à la ménage, comme quasiment une agression. Les femmes des catégories supérieures voient intrusion dans leur foyer beaucoup plus d'un bon œil. Elles arrivent à construire, grâce à leur capital social et culturel, des amitiés relativement significatives avec les femmes qui viennent s'occuper d'elles. Les hommes aussi, ils ont un rapport relativement serein par rapport à ces questions de soins, puisqu'ils ont l'habitude de se faire soigner par les femmes de façon générale, et que même quand ils sont vieux, bah, effectivement, ce sont toujours des femmes qui les soignent. Et puis ça, c'est quelque chose qui est montré dans cette enquête en Belgique, mais on le voit dans les enquêtes qu'on a fait récemment en Suisse, c'est exactement pareil, c'est des femmes qui s'occupent de ces soins du proche, de ces soins de l'intime, quel que soit l'âge de la vie, quelles que soient les conditions des femmes. C'était un très bel article, il y avait beaucoup de choses dedans, effectivement. Du coup, comme on a commencé un petit peu plus tard, je propose qu'on saute la dernière question et qu'on fasse une toute petite pause avant de passer à la partie de table ronde pour que toutes les intervenantes aient le temps de parler, de se présenter, de parler de leurs activités, etc. Éventuellement, la dernière question pour le faire rapidement, si tu peux. Le faire en deux mots, on voyait que dans cette, il y avait une sorte de frustration qui était exprimée dans l'édito du numéro, de dire, bon, on n'a pas réussi à tout couvrir, et finalement, les contributions qu'on a reçues sont aussi partielles, et elles montrent qu'il y a un peu des impensés encore, des recherches qui ne sont pas menées, en fait. En creux, il y a des manques que vous avez pris le soin de relever dans cet édito de revue, notamment. Si tu veux prendre quelques mots pour en parler, histoire qu'on puisse ensuite discuter tout ensemble, Je pense qu'il y a des manques vraiment criants qui n'ont pas été abordés dans ce dossier sur les vieilles. C'est cette question de la violence et de la grande vieillesse. Par contre, on a deux articles qui abordent les choses un peu sous un autre angle, sous l'angle plutôt de l'émancipation. Et puis, il faut quand même les nommer pour que les gens aient envie de les lire. C'est l'article de Lisa Buchter, Mina Guinchard et Annie Leroux qui parle d'une recherche participative. Elle montre très bien que de ne pas penser le genre dans la conception de l'enquête, va empêcher les femmes de participer alors que c'était l'objectif de l'enquête. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui montre que la réflexion, la pratique réflexive de la recherche, elle fait partie d'une pratique féministe. Puis le deuxième article que je trouve qui est aussi intéressant à nommer, puis ça fera lien peut-être avec la table ronde, c'est cet article de Dumas et Rennes qui montre le travail d'artistes féministes occupés à présenter le corps des femmes d'une autre façon, occupés à mettre en scène des liens intergénérationnels entre femmes puissants, évocateurs, qui permettent de redessiner le corps des femmes et de montrer les vieilles femmes autrement que déficientes. Et notamment, il y a cette magnifique image de Lynn Underhill, qui est de cette femme nue qui doit avoir moins 80 ans, et qui s'attaque à un billot de bois et qui le casse. Et je pense que ça, c'est des articles qui montrent que si on modifie son regard, on peut changer un petit peu aussi les choses et avoir un impact sur les recherches qu'on devrait mener ou qu'on pourrait mener. C'est bien que tu mentionnes cette image parce qu'on va la voir en deuxième partie d'émission. On va effectivement avoir un peu de représentation à proprement parler. Et nous revoici pour une seconde partie d'émission. J'ai le plaisir d'accueillir la photographe Leïla Grindorge, diplômée de l'École nationale supérieure Louis Lumière, ainsi que Blandine Delcroix, autrice et réalisatrice de documentaires. Et avec ses invités, et en dialogue avec les chercheuses Clotilde Palazzo-Créthol et Armelle Veil, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la question de la représentation du vieillissement des femmes dans l'art. Donc les stéréotypes stigmatisants d'une part, mais aussi et surtout la façon dont certaines démarches artistiques permettent de les subvertir et peut-être d'installer de nouvelles représentations, tant du vieillissement que des femmes âgées. Je vais me tourner d'abord vers Leïla, puisque tu vois, tu connais très bien le numéro Vieilles Invisibles, parce que tu l'as consulté quand tu travaillais pour ton mémoire de Master 2. Et donc ce mémoire s'appelle Nu, subvertir les représentations de la vieillesse et du vieillissement féminin. C'est un mémoire en photographie. Et tu t'y intéresses à la façon dont les photographes tentent de proposer d'autres représentations des vieilles et du vieillissement des femmes. Est-ce que tu peux revenir sur les façons dont les femmes ont été présentées traditionnellement dans l'art? Et puis ensuite, je t'interrogerai plutôt sur la suite de tes recherches. On peut commencer par rappeler que dans l'histoire de l'art, comme dans les productions contemporaines, les femmes âgées, en fait, elles sont assez peu représentées. Par exemple, on peut retrouver tous les ans une étude de l'AFA, c'est l'Association des acteurs et actrices de France associée, qui compte le nombre de rôles attribués aux femmes de plus de 50 ans dans le cinéma français. Par exemple, en 2023, c'était seulement 9% des rôles, donc un rôle sur 13. Et alors qu'en France, une femme adulte sur 4 est une femme de plus de 50 ans. Donc, on se rend compte que les représentations au cinéma actuellement. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière sur les chiffres parce que je vous ai pas suivi. Alors, en 2023, il n'y avait que 9% de femmes de plus de 50 ans qui étaient représentées à l'écran. donc un rôle sur 13, alors que dans la population en France, les femmes de plus de 50 ans, c'est un adulte sur quatre. Donc il y a vraiment un écart très très important entre les rôles qui sont donnés au cinéma actuellement et la réalité démographique dans notre pays. Et ces études, elles montrent aussi que les rôles qui sont attribués aux femmes de plus de 50 ans, ils sont très stéréotypés. Ils sont majoritairement liés à la sphère privée, parce que les femmes, du coup, ces femmes, elles sont des mères, des grand-mères ou des femmes d'eux. Et ce constat, il rejoint celui que fait l'historienne Caroline Shuster-Cordon, qui a écrit un livre qui s'appelle Le crépuscule des corps. Elle explique par exemple que dans les représentations de la Renaissance, les femmes âgées, elles sont aussi essentiellement reléguées à la sphère domestique ou religieuse. On peut retrouver ici donc un premier cliché de la figure de la vieille femme discrète au service des autres, qui peut pas être le personnage principal. Elle est toujours reléguée au second plan, dans l'ombre de personnages, surtout des personnages plus jeunes. On peut voir par exemple une représentation de la pyramide des âges. Il y a plusieurs types de représentations, donc il y en avoir une qui s'affiche là à l'écran. Où on voit que la vieillesse, elle est présentée vraiment comme un déclin. On peut repenser aussi à une représentation de Klimt qui s'appelle Les Trois Âges, où on voit que y a une vieille femme qui est mise en opposition avec une femme plus jeune et un bébé, et que la vieillesse est représentée de façon très clairement négative et seulement, c'est ça, en opposition et en comparaison avec la jeunesse. On peut retrouver aussi un deuxième type de représentation qui est très important, c'est pour les femmes qui sortent des normes sociales attendues. Ils sont représentés comme des figures d'abjection, des femmes qui font peur, des femmes qu'on rejette. Parce que dès qu'on représente leur corps et pas seulement leur visage, on tombe tout de suite dans le registre du grotesque et de l'obscène. Je vous ai choisi par exemple deux exemples de peinture. Une de Quentin Métis et une de Dürer. Je ne sais pas exactement lesquelles s'affichent là tout de suite, mais on peut voir les deux. C'est des exemples, ça, de. On montre, en fait, le fait de montrer les corps et surtout les poitrines des femmes âgées, ça rentre, c'est ça, dans le registre de la moquerie, du grotesque, voire de l'inquiétant. Et pour revenir au cinéma, ça peut faire penser à des représentations qu'on a aussi dans des films comme par exemple la scène de Shining, où il y a une vieille en fait il y a une jeune femme nue qui apparaît devant le personnage de Jack Nicholson et qui se transforme d'un seul coup en une vieillarde grimaçante, et c'est une image terrifiante pour le personnage et le spectateur à ce moment-là. Et ensuite, dans ton mémoire, ce qui t'a surtout occupé, en fait, c'était de montrer comment c'est possible de sortir de ces stéréotypes, ou du moins de ce qui a été proposé comme représentation des femmes jusqu'à présent. Et tu as fait, un travail important de recensement et de classification des démarches pour sortir de l'ageisme et du sexisme en photographie. Et le parcours que tu proposes, il est très intéressant parce que tu montres que certaines représentations sont assez limitées dans les alternatives qu'elles suggèrent. Est-ce que tu peux nous présenter un peu toutes ces démarches? Oui, moi enfin du coup j'ai fait mon mémoire surtout sur le rapport au corps vieux, et j'ai essentiellement travaillé, enfin je me suis beaucoup intéressée au choix du nu justement pour interroger les représentations de la vieillesse et du vieillissement féminin, du coup à chercher à renverser ces stéréotypes. Je me suis pas mal appuyée, on va dire j'ai commencé un peu une grande partie de ma recherche en lisant l'article justement qui est dans Nouvelles Questions Féministes, qui a été écrit par Juliette Rennes et Laurine Dumas. J'ai pu assister à un séminaire de Juliette Rennes d'ailleurs, on a pas mal échangé et avec Laurine Dumas aussi. Enfin, elles m'ont beaucoup. Enfin, cet article, il est un peu au départ de ma recherche de mémoire, même si ensuite je me suis concentrée sur un aspect plus précis, c'est-à-dire le nu. Et dans un premier temps, moi, ce que j'ai cherché à faire, c'est à repérer des images qui cherchaient à faire l'inverse des tableaux et des représentations dont je viens de vous parler, c'est-à-dire des images qui cherchent à représenter le corps âgé comme beau et désirable, et du coup à renverser un petit peu ce stigmate, à montrer, c'est ça, des corps âgés comme beaux. Et j'ai commencé, j'ai trouvé par exemple des images de mode. Par exemple, il y a une affiche, une couverture de Elle. On voit une mannequin torse nu qui apparaît et qui est recouverte de peinture argentée. Mais on peut remarquer que, en fait, ici, même s'il y a une forme de transgression et de subversion avec le fait de présenter une mannequin âgée à demi-nue, en fait, elle présente un corps qui est quand même très très classique, enfin qui reste complètement dans les standards de beauté auxquels on est habitué. Donc là, même si on voit qu'elle est plus âgée que les mannequins habituels parce qu'elle a des cheveux gris, c'est un peu le seul comment dire marqueur de vieillesse sur son corps. Donc on n'est pas vraiment dans une représentation très nouvelle. Alors que j'ai trouvé aussi une autre campagne de pub, une campagne de Darjeeling qui présente une autre mannequin qui est assez connue en France et qui s'appelle Caroline Ida. Elle pose pas complètement nue, elle pose en sous-vêtements parce que c'est pour une marque de sous-vêtements en extérieur, dans la nature. Et on voit une représentation très très différente entre ces deux corps de femmes qui sont des mannequins. Parce que la deuxième, elle a vraiment, on va dire, un corps plus banal. Et elle est pas présentée d'une façon aussi. Elle est présentée d'une façon valorisée parce qu'elle a l'air bien d'être bien. Bien là où elle est d'être dans la nature de façon assez assez détendue, mais il n'y a pas tous ces artifices, on va dire, autour de son corps comme il y avait sur la première image. Et surtout, on peut beaucoup plus facilement s'identifier à elle et se projeter, on va dire, dans cette représentation de la vieillesse qui correspond plus à ce que la plupart des femmes connaissent, en fait. Et bon, dans ces deux images, on reste quand même dans, on va dire, un peu l'injonction bien vieillir dont on parlait avant, dont on parlait dans un autre article. Mais on peut, pour rester dans l'idée de la représentation de la beauté, de la sensualité, il y a un artiste qui a essayé d'aller un peu plus loin, c'est Erwin Olaf. Je sais pas si on doit pouvoir afficher ces images. Il a fait une série qui s'appelle Mature et dont Rosemary Lagrave parle beaucoup dans un article, mais je suis pas sûre que c'est cette revue-là. Là, il joue clairement avec les codes de l'érotisme. Il interroge, on va dire, les habitudes du spectateur et son rapport au désir. Mais ces images, même si elles sont plus poussées, on va dire, elles sont plus que juste les photos de mode dont on parlait avant, elles restent pour moi un petit peu ambiguës. Le photographe, on voit qu'il se moque des codes de l'érotisme, qu'il les interroge et qu'il nous montre que si ces images nous semblent étranges, c'est parce qu'on a changé seulement l'âge des modèles, on n'a pas changé du tout tous les autres codes autour de la sensualité et de l'érotisme dont on a l'habitude. Mais il interroge, il place un peu quand même ces femmes dans des positions ridicules au final. Enfin, c'est pas tout à fait clair la réception et l'intention. Et en plus, on peut remarquer qu'il interroge le désir que dans un rapport unilatéral. C'est le rapport, il interroge le désir du spectateur envers les femmes qui posent. Alors que on peut aussi voir le travail d'une photographe qui s'appelle Ariane Clément, qui a travaillé sur qui représente beaucoup les aînés comme elle les appelle. Elle a fait toute une série autour de la représentation de l'amour chez les personnes âgées. Et donc c'est pas que les femmes, là, c'est des couples qui sont représentés. J'ai choisi quelques images, des couples âgés nus qui s'enlacent, qui s'embrassent devant la caméra. Et ici, les personnes représentées, elles sont à la fois objet et sujet de désir. Le spectateur, il y est extérieur, il n'est pas invité à se demander si lui, il trouve ses corps beaux ou si il les trouve désirables. En fait, il est juste invité à observer que ces personnes ont une sexualité et qu'elles sont en couple et qu'il y a d'autres personnes qui les trouvent belles et désirables ici et que c'est ça que la photographe montre. C'est pas, on va dire, un peu une étape de plus qui est franchie, c'est pas juste. Essayer de convaincre le spectateur que ces femmes sont belles, c'est en fait on lui montre qu'elles n'ont pas besoin de son avis et de son regard pour avoir c'est ça, une vie amoureuse, une sexualité. Et pour revenir un petit peu sur le deuxième, on va dire, cliché dont j'avais parlé avant, c'est-à-dire le rapport de hiérarchie entre les générations, qui est aussi étudié dans l'article de Juliette Rennes. Je voulais repasser sur une autre image d'Ariane Clément, qui montre plusieurs femmes de la même famille qui sont toutes qui sont dans un champ en extérieur. Et on se rend compte que cette image, même si elle représente côte à côte plusieurs femmes qui ont des âges différents, donc ça fait un peu penser à la pyramide des âges ou à l'image de Klimt qu'on avait avant, on n'a plus du tout cette idée de hiérarchie et d'opposition. Ici, elles sont la nudité, elles soulignent pas vraiment les différences entre les corps. On la voit parce qu'elles sont toutes, enfin, elles sont toutes juste en sous-vêtements, mais s'il n'y a pas du tout d'idée de représentation négative comme sur le tableau de Klimt, c'est une image de femme de la même famille et on imagine que chaque modèle en fait, il porte un peu en son corps le souvenir ou la potentialité des étapes de la vie des autres. Parce qu'Ariane Clément, ici, on dirait qu'elle propose une sorte de métaphore du lien familial intergénérationnel. Et en plus, dans ce cadre, le cadre, il est assez idyllique. Les quatre femmes, elles ont l'air de former un ensemble vraiment cohérent, où elles ont chacune leur place et elles sont pas en opposition ou en compétition. Et je trouvais qu'on retrouvait une idée assez similaire et peut-être plus explicite dans des images de Nikki Berg, qui a réalisé toute une série intitulée Génération, justement. Où elle a représenté et elle a posé sur plusieurs années avec des différentes personnes de sa famille, enfin que des femmes. Elle travaille beaucoup sur l'idée de matrilinéarité. Et dans cette série, dans les images là, que j'ai sélectionnées, les femmes, elles sont aussi représentées, plusieurs femmes d'âges différents, côte à côte, nues. Ici, elles sont en studio. Il y a vraiment que les corps nus, c'est la seule matière de l'image, c'est la seule chose qu'on peut observer. Il n'y a pas d'accessoires. Et les corps, ici, par contre, ils se touchent. Ça accentue pour moi encore plus l'idée de lien intergénérationnel. Et sur l'image de gauche, on peut voir, par exemple, que les deux femmes sont liées par le ventre. En fait, elles se touchent le ventre. Et ça accentue encore cette idée de symbole de la maternité, de lien familial. Et je finirai sur un dernier diptyque du coup de cette série de Nikki Berg où elle se représente avec sa mère à 20 ans d'intervalle. Et c'est une image que j'aime beaucoup parce qu'elle montre le vieillissement, leur vieillissement conjoint, enfin leur évolution et leur vieillissement à toutes les deux. Et je trouve que cette représentation, elle met vraiment à mal la binarité jeunesse-vieillesse et l'opposition supposée entre les deux dont je parle depuis tout à l'heure. Et parce que sur la première, si on peut identifier une jeune femme et une vieille femme. Sur la deuxième, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, on revient un petit peu à l'idée dont on parlait tout à l'heure de dire qu'il n'y a pas qu'une seule forme de vieillesse. En fait, parce que sur la c'est ça, on a une jeune femme, une vieille femme. Sur la deuxième, en fait, on a deux vieilles femmes, elles ont des âges différents. Donc on est obligé d'étendre un peu nos représentations de la vieillesse on peut pas juste la catégoriser en un seul bloc. Et on voit qu'elles ont vieilli, elles ont évolué conjointement. Et en plus, dans la deuxième image, la photographe, elle est arrivée à la place où était sa mère, visuellement, du coup, par la symétrie, parce qu'elles ont échangé, et puis surtout symboliquement, parce qu'elle a réalisé la deuxième image à l'âge qu'avait sa mère lors de la première. Merci pour ce super exposé très très complet et qui nous a fait voyager un peu à travers toutes les représentations du vieillissement des femmes. Et je pense que ça nous amène très bien à notre deuxième invitée, du coup, Blandine Delcroix. On a vu dans ce que vient de nous dire Leïla qu'il y a certaines artistes qui développent une démarche de création artistique féministe en représentant le vieillissement des femmes et les femmes âgées. Et ça passe par diverses stratégies de subversion des représentations communes. Et puis, il y a aussi, dans certaines de ces démarches artistiques, une critique de l'âgisme, une volonté de représenter autrement le vieillissement, les personnes âgées. Et du côté de la démarche féministe en particulier, on voit que la démarche d'auto-représentation et de représentation des générations de femmes, elle est très importante. Et toi, tu vas te présenter un petit peu, mais je voulais savoir un peu comment tu as conçu ta démarche artistique pour la création du film que tu as réalisé sur le vieillissement de ta mère. Et je voudrais savoir, une fois que tu auras un peu présenté cette démarche et ton travail et comment tu l'as construit, est-ce que la question de la représentation des femmes faisait vraiment partie de tes intentions, ou est-ce que c'est quelque chose qui a émergé pendant le travail? Voilà, je te laisse présenter un petit peu ton travail et puis ensuite revenir peut-être sur la question plus précise du féminin, de la question de la place enfin, du vieillissement des femmes en particulier. Merci beaucoup. D'abord, j'espère que on m'entend bien. Merci beaucoup de m'avoir convié à ce rendez-vous, à cette table ronde. Donc voilà, oui, je suis documentariste. Alors, ce film est très particulier dans mon travail, puisque en règle générale, pour avoir un peu d'argent pour produire un film documentaire, on est obligé d'écrire beaucoup avant de tourner des images. Et là, j'ai vraiment fait les choses complètement à l'envers. Pourquoi? J'en avais pas une intention précise, ce film, donc qui s'appelle Vivre, c'est vieillir. Je l'ai tourné pendant 15 ans. Alors, j'ai pas tourné tous les jours pendant 15 ans, bien sûr. Mais initialement, j'avais pas d'intention. L'intention, elle est venue en faisant, ce qui n'est pas du tout vendeur quand on approche un producteur. Donc, ça a eu comme conséquence que je filme seule et que je prenne le son aussi, enfin que je fasse tout, quoi, on va dire, une dizaine d'années. Et l'intention initiale, elle était, je dirais, de conserver des traces de vie, mais des traces comme on peut élaborer un album photo de famille. Voilà, c'était aussi simple que ça. À la nuance près, tout de même. Bon, je le raconte dans le film, mais j'ai perdu mon père très tôt dans ma vie. Donc, ma mère, elle était à la fois, je dirais, la mère nourricière, la mère aidante, et puis ma référence, quoi. Ma référence, un roc sur lequel je m'appuyais depuis mes 18 ans. Donc, j'ai eu quand même ce désir de fixer un peu son image. Et alors, c'est intéressant ce mot fixer son image, parce que mon intention, ce n'était pas de filmer le vieillissement. C'était de filmer et les premières années, les premiers rushs, c'est ma mère, elle a 70 ans. Elle est en pleine possession de ses moyens. C'était une femme très volontaire, très active, très drôle, voilà, d'un milieu social plutôt très modeste. Et la question du vieillissement, je dirais, ben, aujourd'hui, je construis un discours, mais a posteriori sur le film. C'est-à-dire que quand je l'ai réalisé, à un moment donné, quand même, je me suis dit, il y a un film. Pourquoi? Parce que dans sa vie, à un moment donné, elle va tomber. Elle a déjà 80 ans passés. Elle va tomber et là, ben, la question va se poser de savoir ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, et donc jusqu'à présent, bon, pas mal d'années se sont passées, mais jusqu'à cette bascule, sans faire de mauvais jeu de mots, je suis derrière la caméra. Et puis là, je comprends que ben, y a une période d'incertitude qui s'ouvre. Et je passe devant la caméra, et c'est pas pour un effet de style, c'est parce que ma mère en a besoin. Et donc je continue à filmer en trouvant un dispositif technique. Je mets la caméra sur un pied, enfin j'essaye plein de trucs, parce que je suis toujours toute seule et que c'est pas commode de filmer et de faire tout seul. Mais voilà, je comprends que là, il y a un film qui est en train de s'écrire. Ma mère l'a compris avant moi. J'en suis absolument convaincue, parce que, et ça, je m'en suis rendu compte au dérushage, Inutile de vous dire que j'avais 15 ans de rush, de son seul, c'est-à-dire d'interview que j'ai pu faire d'elle, son image, etc. Et je me suis rendu compte qu'elle a eu conscience de ce film en train de se faire bien avant moi, parce que elle a, en fonction des situations et des questions que je lui pose, un registre de langage différent. À certains moments, elle va me répondre comme elle répondrait à sa fille. Et à d'autres moments, elle va me répondre sur un registre légèrement différent, un peu plus élaboré, me semble-t-il, en tout cas, qui démontre bien à quel point elle veut transmettre quelque chose et pas seulement un mot. Voilà. Donc voilà, donc je pense que c'est intéressant d'évoquer toujours l'intention d'un film. Est-ce qu'il subvertit la représentation de la vieillesse? Je ne sais pas, parce que, à vrai dire, le documentaire, c'est chercher à donner une représentation du réel, dit-on. Donc, de ne pas chercher à le travestir, même si le montage, la mise en scène, on est déjà dans quelque chose, c'est un point de vue, bien sûr. Mais ce que je peux dire, c'est que, contrairement à un certain nombre de films qui posent la question du vieillissement comme un état, et un état de fait figé quasiment, avec une représentation du coup de la personne âgée qui est déjà, j'allais dire, un peu moins autonome, qui est très vulnérable, etc. Moi, je me suis dit, mais en fait, non, moi, c'est pas ça, le vieillissement, je filme un processus. Et le mien aussi en miroir, évidemment, puisque ben, le vieillissement de ma mère me renvoie aussi à mon propre vieillissement, puisque dans le film, je passe de 34 ans à passer 50 ans. Donc ça me questionne beaucoup. Je ne sais pas si je réponds exactement à la question initiale, mais voilà, en tout cas. Il y a plein de choses qui me reviennent du visionnage du film. Alors, peut-être une première chose, effectivement, il y a des moments où vous discutez de cette question du vieillissement. Et je pense que ça fait partie des moments que tu mentionnes de transmission, où on sent qu'elles se sont presque une personne interviewée. Et qui participe à un documentaire et elle dit des choses assez fortes. Et il y a aussi peut-être quelque chose qui intervient plus tard où tu l'appelles quand elle est dans une des chambres d'un établissement où elle a habité pendant un temps. Et elle dit qu'elle se sent. Je crois que la citation exacte, c'est comme une femme Seul. qui est là esselée. Et est-ce que cette idée de se désigner comme une femme, ça a été un sujet de discussion, par exemple, à un moment? Est-ce qu'il y a cette thématique d'être une femme qui vieillit en particulier, ça a fait partie de vos échanges qui peut-être n'apparaissent pas à l'écran, mais qui ont aussi nourri peut-être l'intention qui s'est dégagée au fur et à mesure des années? Alors, non, pas directement, sauf que, alors, quand elle dit je me sens comme une femme esseulée, et elle va rajouter un peu de temps après, et je me sens plus que seule. Pour moi, ça, c'est cette phrase, elle est terrible parce que j'ai jamais réussi à savoir ce qu'elle mettait derrière ces mots-là. Qu'est-ce que c'est que de se sentir plus que seul. Mais il faut remettre ces mots-là dans un contexte qui est celui d'un EHPAD en France, donc, et que, ben voilà, c'est pas à la fois, bon, le film pose aussi cette question du choix, et du choix qui n'en est pas un, à vrai dire. En tout cas, dans les circonstances du vieillissement de ma mère, j'aurais tendance à penser que c'est un choix très peu de gens. Il y a quand même, je pense, assez peu de personnes. Je serais curieuse d'aller poser cette question à des résidents en maison de retraite, de savoir si ça relève d'un choix ou pas. Ce qui nous concerne, ben, comme le dit très justement ma mère, on n'a pas le choix. Sur la question du vieillissement en étant femme, la question, elle s'est pas trop posée. Elle s'est pas trop posée parce que ma mère a été veuve à 54 ans. Donc, 54 ans, c'est jeune. Donc, elle a vieilli, enfin voilà, elle a continué à travailler un peu, et elle a très vite eu une vie, même si avant c'était déjà le cas, mais en étant veuve, moi à peine élevée, il a bien fallu qu'elle soit très active et qu'elle soit déterminée sur la manière dont elle allait vivre sa vie après la disparition très brutale de l'amour de sa vie, pour le coup. Donc voilà, avec là où je dirais que cette question, elle s'est peut-être posée, et ça fait référence à ce que Clotilde, me semble-t-il, évoquait sur les conditions économiques du vieillissement. Parce que, de fait, ma mère avait une toute petite pension. Elle était un peu au-dessus du minimum vieillesse, qui est de 900 euros, je crois, en France, me semble-t-il. Bon, elle était un peu au-delà, mais pas beaucoup plus. Et en fait, cette pension de retraite, elle était constituée essentiellement de la pension de réversion de mon père. Heureusement d'ailleurs qu'il avait cotisé quand même pas mal à des caisses complémentaires qui permettaient d'avoir une pension de réversion pour ma mère un peu plus élevée. Parce que s'agissant de sa propre retraite, alors que c'est une femme qui a quand même un peu travaillé, bon, elle a élevé ses trois enfants, mais la plupart du temps, elle a fait des jobs qui n'étaient pas déclarés. Donc, ben, voilà. Elle avait en gros 90 euros de pension de retraite relative à sa propre activité, ce qui est absolument dramatique, quoi, au regard de l'activité qu'elle a eue et des trois enfants qu'elle a élevés. Et donc, ah, c'est... Et ces conditions économiques du vieillissement, bien sûr, elles ne... Comment dirais-je? Elle détermine pas tout. La preuve étant, c'est que le scandale du groupe Orpea a bien démontré que c'est pas parce qu'on paye 10 000 euros par mois qu'on est bien traité. Mais quand on a 1 200 euros ou 1 000 euros de retraite, c'est clair que c'est vraiment très compliqué. Donc, la question du choix intervient et voilà. Qui était déjà ressorti d'une précédente émission qu'on avait organisée sur la question de vieillir en étant locataire, et la question d'être une femme locataire était venue parce que la plupart des personnes enquêtées par le chercheur en question étaient des femmes. C'était pas peut-être que c'était une forme de biais de sélection, mais en tout cas c'est ce qui ressortait, et qu'effectivement il y avait une charge d'avoir pris soin des autres et du coup de n'avoir pas cotisé pour sa propre retraite, qui faisait qu'on tombait assez rapidement dans la précarité. Ok. Absolument. Ouais. Et juste une dernière question, ouais. En prie. J'aurais voulu juste évoquer un autre point que j'avais noté par rapport à justement la place des femmes dans l'accompagnement d'un proche vulnérable, même si mon film est un parfait contre-exemple, puisqu'on voit beaucoup un de mes frères qui est très proche et très actif et enfin admirable dans son engagement au quotidien auprès de notre mère. Mais quand bien même, je pense que c'est voilà, c'est quand même pas si fréquent que ça. Et cette la place de la femme dans l'accompagnement d'un proche vulnérable, je pense que c'est vraiment un vrai sujet parce que comment aujourd'hui, bon moi j'ai eu de la chance d'avoir un statut qui m'a permis de dégager 6 mois nuit et jour pour être auprès de ma mère et d'avoir une vie par ailleurs personnelle qui m'a permis de le faire, mais pour avoir quand même beaucoup circulé dans les maisons de retraite, je constate quand même que les soignantes sont majoritairement des femmes et que les aidantes, voilà, sont des aidantes et la plupart, hein, voilà. Donc ça, je pense que c'est un point aussi très très important à souligner. La place de la femme vieille, mais la place de la femme aidante. Et oui, une dernière question pour toi, juste pour l'accès à ce film, tu le recenses sur ton site d'autrice et tu mentionnes aussi le fait que il est principalement diffusé, je crois, auprès des professionnels, c'est ça? Oui, ce que je souhaite depuis quelques mois, hein, j'organise des j'initie et j'organise des ciné-débats parce que ben justement, ce qu'on a évoqué, c'est comment on modifie les regards et la perception. Et que ben pour moi, ce film, il y en a d'autres, hein, bien évidemment, mais on a là entre les mains un objet sensible. Et c'est bien un objet sensible qui va toucher directement les personnes qui le regardent et qui va les amener à prendre la parole, que ce soit des soignants, des professionnels, que ce soit des salariés dans le monde de l'entreprise. Parce que je pose aussi la question de comment on accompagne une personne vulnérable, une personne âgée, quand on a un travail et qu'est-ce qu'on fait dans sa vie. Enfin, c'est une question et qui va se poser de plus en plus. Donc, comment l'entreprise prend en compte et prend en charge cette question-là aussi. Voilà, enfin, c'est toutes les questions finalement que ce film peut poser parce qu'il a été filmé sur la durée. Que j'essaye de voilà d'interpeller, de modifier les perceptions, que ce soit aussi dans des instituts de formation aux soins infirmiers, parce que je pense que si on envisage de modifier les perceptions, il faut toucher les personnes les plus jeunes pour que ces perceptions elles évoluent. Parce qu'on arrive complètement sur la partie de discussion sur laquelle je voulais qu'on vous faire rebondir toutes. Je vais te redonner la parole ensuite, Blandine, parce que je pense qu'il y a encore des choses à tirer de ton expérience là actuelle de diffusion de ce film. Mais je vais quand même ouvrir un petit peu à toutes. Je voudrais savoir comment est-ce que, à votre avis, à toutes qui avez travaillé sur la question du vieillissement et du vieillissement des femmes, comment est-ce que l'art peut contribuer à l'évolution des représentations du vieillissement des femmes? Et est-ce que, selon vous, il y a des démarches qui, en particulier, vous sembleraient intéressantes à porter? Je vais peut-être repasser par. Sauf si quelqu'un veut commencer tout de suite, mais sinon on refait par ordre d'apparition et je redonne la parole aux chercheuses. Merci. Je vais être brève, une position de non-artiste, mais je trouve que ce qui est très intéressant dans les deux prises de parole, c'est de voir que on a tendance à penser que parce qu'elles sont âgées, les vieilles femmes s'effacent petit à petit de notre champ de vision, d'écoute artistique, culturelle, alors qu'on voit bien que c'est parce qu'elles sont vieilles qu'on les efface petit à petit et qu'elles deviennent invisibles. Et ce qui se passe lorsqu'on montre des vieilles, c'est simplement qu'on inverse cette machine-là, des vieilles justement en relation avec d'autres classes d'âge, avec leur propre classe d'âge, dans plein de situations différentes. Et le fait de, je pense que toute entreprise qui déshomogénéise ces catégories permettent de donner une vie un peu plus digne et de couper cette catégorisation parce que la réduction, le fait, l'acte de réduire une personne à une seule propriété, comme par exemple vieille, ça fait aussi partie, je pense, de ces structures oppressives. D'avoir du coup des interdits, des obligations, le fait qu'on ait une date de péremption, on nous entend plus, on nous voit plus sur des planches, on nous voit plus en photographie, on nous voit plus nus. Donc, le fait de montrer des personnes qui ne sont pas que des vieilles femmes dans un rôle de vieille femme attendu, je pense que c'est ça les entreprises artistiques qui sont vraiment intéressantes. Je rebondis juste, voilà, sur la question de la représentation et de la question de faire œuvre d'art. Enfin, pour moi, on parle là d'esthétique. Hein, quelle est l'esthétique du vieillissement et la question de la beauté. Et comment finalement on va questionner la beauté. On s'appuie, enfin voilà, sous l'angle du vieillissement et du vieillissement, alors là, pour le coup, de la femme et du corps de la femme en particulier. Et voilà, je vous livre juste cette interrogation que j'ai eue tout au long du film, et parce que je voulais pas montrer ma mère dans des situations de perte totale d'autonomie. Je trouvais que ça avait pas beaucoup d'intérêt. Et ce qui m'intéressait, c'était de traquer la beauté, y compris dans des situations d'extrême vulnérabilité. Parce que la beauté, elle est là, elle est dans un regard, elle est dans un, voilà, enfin, dans un sourire, dans l'expression d'une émotion. C'est la vie jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Voilà, c'est. Je voulais juste intervenir sur cette question-là de la beauté et y compris de ce corps beau et vieux et ridé et voilà et plus mobile, mais de ce corps-là, quoi. C'est notre humanité. Et je trouve que c'est particulièrement parlant en voyant ton film, le titre que tu lui as donné, effectivement, à chaque fois que j'en parle pour dire ce que j'ai vu en voyant ce film, c'était vraiment que, oui, vieillir, c'est vivre, quoi, tout simplement, c'est une partie de la vie. Et le fait que tu l'aies inscrit dans cette longue durée aussi fait vraiment beaucoup de sens. Et je crois que j'ai oublié que j'avais quelque chose qui m'était venu en tête, mais on reviendra dessus ensuite. Donc, je vais peut-être faire tourner un petit peu la parole et ça reviendra peut-être plus tard. Leïla, est-ce que tu as quelque chose à partager? Ouais, enfin, moi du coup, je reviens un petit peu à ce qu'on disait au début, je crois, sur ce qui me, enfin, dans les, ce que j'avais identifié comme représentation artistique qui pouvait être pour moi efficace pour jouer sur les représentations, c'est l'idée de la série, de la répétition, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé dans les œuvres que j'ai étudiées. Qu'il y a beaucoup d'artistes qui essayaient de représenter une multitude de femmes, une multitude de corps, et de les pour montrer ça, une grande variété de ces corps qu'on voit pas d'habitude. Et je trouvais que même si c'est pas forcément les représentations qui vont le plus loin, on va dire, dans les questions de déconstruction des clichés ou de réflexion sur le rapport à la beauté, par exemple, c'est des séries qui sont efficaces, je dirais, à court terme. Par exemple, j'avais plusieurs exemples qu'on peut montrer, sur lesquels je vais pas forcément m'attarder, sauf si il y en a une qui vous intéresse en particulier. Il y a une série notamment de Clélia Odette qui s'appelle Belle Môme, qui est, je sais pas si vous connaissez, mais elle était très, enfin, elle est assez populaire sur Instagram, parce que c'est une série qui a été diffusée du coup sur les réseaux sociaux de façon régulière. C'est que des portraits de femmes nues et qui sont diffusés sur le compte de cette jeune photographe. Et c'est ça, cette idée de répétition. Enfin, il y a une diversité de femmes qui sont photographiées et elles sont vraiment diffusées à un rythme assez régulier. Et il y a donc ben, à la fois c'est une réflexion sur la représentation et aussi le fait de montrer et d'influencer directement, enfin d'essayer d'avoir directement un impact sur les représentations. Et après j'avais travaillé sur, enfin moi j'avais repéré pas mal, ça beaucoup de séries comme ça qui essayaient de montrer beaucoup de corps différents. Et il y avait notamment une série, on pourra peut-être en reparler un petit peu après aussi, d'une photographe australienne qui s'appelle Ponch Hawkes, qui a essayé de représenter assez rapidement, en fait elle a essayé de photographier 500 femmes de plus de 50 ans en quelques mois pour une exposition. Et donc c'est une, comment dire, c'est un parti pris assez simple, mais qui bah, pose pas mal de contraintes et surtout intéressant, pas dans la représentation d'une seule image, mais dans cette idée de multitude et dans la question de comment on va les montrer ces images et comment elles vont être reçues. Parce que aussi, enfin c'est un truc, c'est quelque chose qu'on disait, il me semble, au début. En fait, on dit que les vieilles femmes sont pas beaucoup représentées. Moi, ce que j'ai observé du coup pendant mon travail de mémoire, c'est qu'en fait, il y en a des représentations. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, j'en ai trouvé beaucoup. Et Internet étant plus ou moins bien fait, maintenant sur tous mes réseaux sociaux, j'ai énormément d'images, de nouvelles images de femmes âgées, de vieilles et de, enfin et en fait plus j'en cherchais, plus j'en trouvais. Et le problème, c'est que ces images-là, c'est pas qu'elles sont pas produites, c'est qu'elles sont pas montrées ou alors pas bien montrées. Et c'est pas quelque chose sur lequel moi j'avais travaillé de façon très approfondie, mais je pense que c'est quelque chose qui serait super intéressant à creuser, à savoir bah, où est-ce qu'on les montre, ces images, comment on les montre, comment on les diffuse plus. Pour reboucler un peu sur le sujet du jour qui était la recherche, notamment dans Nouvelles questions féministes, dans le numéro de revue qui nous a occupés, il y a un article qui évoque un dispositif de recherche-action participative. Donc vraiment, c'est de travailler avec les personnes qui font l'objet de la recherche en collaboration avec elles. Et par ailleurs, la question de ce qu'on appelle les savoirs situés ou les savoirs issus de l'expérience est complètement centrale dans le féminisme. Et donc, ça paraît logique que des travaux de recherche qui se consacrent au genre et qui développent des démarches féministes s'intéressent à créer des nouveaux outils de recherche pour pouvoir inclure des perspectives et des regards différents, autres que ceux des démarches scientifiques qu'on peut qualifier de traditionnelles. Et je voudrais vous demander à toutes comment est-ce que, selon vous, des démarches artistiques pourraient venir nourrir ces fameuses démarches de recherche-action, recherche participative, que ce soit pour construire des questions de recherche ou pour proposer des façons de faire des enquêtes ou encore de restituer des savoirs. Ce qui est vraiment intéressant dans cet article de Buchter et ses collègues, c'est quand même ce décentrement du regard. À un moment donné, elles ont dû se rendre compte qu'elles n'avaient pas posé les bonnes questions à ces vieilles dames qui disparaissaient de leur discussion, qui disparaissaient du dispositif participatif. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis pour finir sur la question de l'art, là, on a parlé beaucoup de l'art visuel, c'était très intéressant. Mais moi, j'ai vu plusieurs, par exemple, spectacles ici, où c'est des vieux et des vieilles qui écrivent le spectacle, qui le mettent en scène et qui se moquent de leurs conditions de vieux et de vieilles et qui salissent le public pour rire des vieux et des vieilles. Et nous avons un projet avec Armel qui est encore un peu dans l'œuf et qui est en train de se préparer, de faire une bande dessinée sur la vie de ces vieilles et ces vieux qui habitent la montagne. Donc je pense qu'il y a vraiment, c'est un média qui est vraiment, qui pourrait être utilisé, qui fait effectivement partie des démarches féministes, mais que on n'utilise peut-être pas beaucoup. Et puis je vais juste dire encore un mot à Leïla. C'est vrai qu'il y a peut-être des images de femmes, mais c'est bien un effet de l'âgisme. C'est pour ça qu'on ne les montre pas, quoi. De système de domination appelé l'âgisme, c'est pour ça qu'on ne les montre pas. Merci. Je voulais te demander par rapport à la question que j'ai posée, le fait de toi d'avoir emmené ton film auprès des professionnels. Est-ce que tu as l'impression que c'est une façon aussi de travailler à la diffusion d'un certain savoir ou de créer du savoir même d'une certaine manière? Oui, absolument. C'est de créer du savoir, un autre type de savoir par un autre canal. Ça marche aussi avec les universitaires, je dirais, parce que encore une fois, on est dans le champ du sensible et c'est une façon de réhumaniser, je dirais, les pratiques et les savoirs, tout simplement parce qu'on donne la parole aux premiers concernés, quoi. Et on ne vole pas la parole, on ne se substitue pas à la parole des personnes qui vivent, je dirais, dans leur chair et leur âme, ce processus de vieillissement, comme nous tous, bien sûr. Mais pour clôturer là-dessus, je pense que c'est absolument fondamental qu'il y ait des pratiques communes et qui s'échangent des pratiques, des savoirs, que ce soit des labos de recherche comme celui avec lequel tout a démarré. Je tiens à remercier ici Aline Chamaillon de l'Université d'Aix-en-Provence parce que c'est grâce à elle que ce film a pu être projeté dans le monde universitaire et c'était tout aussi passionnant. Et demain, ça ira, je l'espère, dans les CHU, dans les services de gérontologie et dans les écoles d'infirmiers. Voilà, c'est mon souhait en tout cas. Est-ce que tu as vu un peu des retours suite à ces diffusions et comment est-ce que là, ça t'a paru cet échange et cette transmission? Alors, tout dépend du contexte, en effet. Quand il s'agit du monde universitaire, moi, ce qui m'a absolument ravie, c'est de voir des chercheurs qui, pour la plupart, ça fait très longtemps qu'ils sont très professionnels dans leur recherche et que. Mais c'est tout à coup de les voir aussi extrêmement émus par un sujet, pour autant sur lequel ils travaillent pour certains depuis très très longtemps. Donc je pense que c'est avant tout l'émotion et le fait que ça touche de manière personnelle. Et on n'est plus dans quelque chose d'un discours qui serait construit, même si c'est important de produire évidemment non pas du discours mais du savoir. Bon, c'est moi je suis pas chercheuse, mais en tous les cas, je pense que c'est fondamental, bien sûr. Mais ce qui est encore plus fondamental, je pense que c'est de travailler ensemble et c'est comme ça qu'on peut faire bouger les représentations, quoi, vraiment. Vas-y. Parce qu'il y avait un projet en particulier qui m'a semblé assez intéressant au niveau de la recherche, pas tant de la production, mais plutôt de la cette question de la restitution. Et justement, ça rejoint un peu plus la question d'avant aussi du changement des représentations, des regards sur le vieillissement. Il y a une série, je crois, dont je vous ai parlé un tout petit peu, qui a été réalisée en Australie. En fait, c'est toute une exposition qui s'appelle Flesh After 50, qui a été produite en 2023 par plusieurs personnes en Australie. Et c'est en fait c'est une association, enfin c'est une collaboration entre une médecin, une spécialiste en obstétrique et une commissaire d'exposition. Du coup, c'est ces deux femmes qui sont à l'origine de la création d'une exposition sur les représentations artistiques de la vieillesse féminine et qui regroupe des représentations qui ont déjà été produites et la série de Punch Hawks dont je vous ai parlé, qui a essayé de photographier un grand nombre de femmes en un temps assez limité. Et en fait, ce qui me semblait particulièrement intéressant, c'est qu'il y avait du coup, un rassemblement de productions artistiques assez diverses. Là, c'était pas que des photographies, mais il y avait une production aussi. Et il y avait tout un discours politique et médical qui était associé. En fait, là, ici, dans cette exposition, la question de la représentation artistique du vieillissement, elle était présentée comme un enjeu de santé publique, en fait, et un enjeu politique. Parce que du coup, c'était importé. Porté aussi par des médecins et des élus locaux. Enfin, c'était pas juste entre guillemets juste des artistes qui s'interrogeaient dans leur coin sur les questions de beauté. Non. Enfin, c'était vraiment une association de plusieurs acteurs du coup de différents milieux qui avaient travaillé à cette exposition et à ces projets. Et je trouvais que c'est un projet qu'on peut encore trouver du coup assez facilement sur Internet, puisqu'il y a un catalogue qui est disponible et qui est assez qui est, enfin assez complet, je trouvais. Moi je me suis pas mal, enfin j'ai découvert beaucoup de choses dans ce cadre-là. Et j'ai pas trouvé beaucoup d'autres démarches de récentes de cette du coup de cet emploi, enfin de cet emploi. C'était une exposition qui était en Australie dans un endroit, mais c'était ce qui m'intéressait vraiment, c'était ça, c'était cette dimension d'interdisciplinarité qui était à l'origine du projet, même si c'était des représentations artistiques qui étaient analysées et mises en scène par des personnes qui s'intéressaient à la vieillesse par d'autres prismes aussi. Et voilà, si vous voulez regarder ça. Je mettrai toutes les références dont on a parlé ce soir en ligne après l'émission en barre d'infos. Donc on va conclure rapidement et remercier aussi enfin libérer nos interprètes. Alors juste, est-ce que en deux mots, est-ce que vous avez chacune peut-être des actualités dont vous souhaiteriez faire part? Qu'est-ce qui vous occupe en ce moment? Bah, peut-être de notre côté, du coup, signaler cette recherche sur le vieillir à la maison des 80 ans et plus en Valais. Et de mon côté, je travaille aussi avec une équipe à l'université de Neuchâtel qui est en train de réaliser une pièce de théâtre sur la question du vieillir à domicile, enfin du mode de logement des personnes âgées. Donc un autre mode artistique de restitution et de sensible de la recherche. Et puis on a quelques articles scientifiques qui sont parus ou qui vont paraître. Pour celles et ceux qui sont moins artistes mais plus scientifiques, et ben... Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci. Blandine, est-ce que tu veux parler de ton actualité en ce moment? Eh bien, il va y avoir un ciné-débat chez nos amis suisses à Genève. Voilà, Prenez le rendez-vous. 28 mai prochain à l'Université de Genève. Voilà. Dans le cadre du Forum sociologique 2025 avec Cornelia Hummel sur les matérialités du vieillissement. Voilà, donc c'est le 28 mai prochain à Genève et après à Annecy au début juin. Super, un beau programme. Leïla, est-ce que tu veux parler un petit peu de ce que tu fais en ce moment? C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de parler de ton travail de photographe. C'est le moment. Oui, moi, là, en ce moment, mon travail actuel, il n'est pas du tout lié à notre échange parce que en ce moment, je travaille beaucoup avec des bébés. Donc, on part un peu de l'autre côté de la vie. Mais par contre, là, oui, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais moi, je vous ai parlé surtout de ma recherche, on va dire, théorique sur les travaux d'autres personnes, mais j'ai aussi produit deux séries sur enfin, le vieillissement. Une plus spécifiquement sur mes grands-mères, parce que j'ai cinq grands-mères, donc j'avais beaucoup de matériel à la disposition. Et c'était plutôt sur la question, j'ai travaillé un peu sur la question de la transmission de la parole et de la représentation, comment dire un peu, de la mythologie familiale, de la transmission de mythologie familiale. Et j'ai fait, dans le cadre du coup de ma recherche de mémoire, une série avec une de mes grands-mères, une série de photos de nu pour interroger un petit peu ce rapport justement à la mise en scène du corps, la question de la beauté, de la mise en scène de soi. C'est voilà, là ici, enfin, j'ai pas trop réussi à les intégrer directement dans l'échange, mais si ça vous intéresse, j'ai un site aussi, si vous voulez jeter un coup d'œil. Oui, c'est déjà en barre d'infos d'ailleurs. N'hésitez pas à aller visiter ce site avec beaucoup de matériel à regarder et à profiter. Voilà. Donc, n'hésite pas à continuer à mettre C'est tes actualités sur ce site, qu'on puisse te des projets que suivre. j'aimerais bien redévelopper, mais voilà, c'est pas enfin continuer, mais c'est pas totalement engagé, on va dire, pour l'instant. Oui. Ça va venir. Je comprends. Eh bien, du côté du PPR Autonomie qui vous accueille ce soir, je vous signale juste la prochaine émission qui aura lieu le 2 juin. Nous accueillerons le sociologue Nicolas Renaï qui a publié récemment un ouvrage sur la question des retraites ouvrières et de l'engagement politique des retraités ouvriers. N'hésitez pas à suivre le PPR sur tous ses réseaux. Toutes les informations sont en barre d'infos et sur le site du PPR. N'hésitez pas à le visiter, à vous abonner à notre newsletter si ce n'est pas encore déjà fait. Et comme ça, vous aurez toutes les informations et la suite de notre actualité. L'émission sera toujours bien sûr disponible en rediffusion. On s'excuse encore pour le retard et pour les problèmes techniques qui ont un peu probablement découragé une partie de l'audience, mais on espère que vous serez là ensuite en rediffusion, donc pour pouvoir profiter de tout ce contenu créé. Ce sera bien sûr ensuite sous-titré là dans les prochains jours. Je fais des comptes rendus, donc n'hésitez pas à visiter aussi le site et à profiter de ces ressources-là parce que je réécris complètement de manière très synthétique les émissions qui ont eu lieu pour que ce soit un peu plus accessible. Je remercie encore donc toutes nos intervenantes de ce soir. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir et de pouvoir échanger et j'espère qu'on se recroisera à d'autres occasions. Je remercie aussi les interprètes LSF qui ont subi avec nous le chaos du direct qui ne commençait pas. Encore merci donc et puis merci à Marcel qui a assurer tout ça avec le sang-froid le plus remarquable. Marcel, tu peux nous mettre en ligne et bonne soirée à tous et toutes.